Chapitre 3e, à la vie, à la mort. Avant de quitter le souterrain, Bill avait pris dans le foyer une branche enflammée. C'est à la lueur incertaine de cette torche qu'ils avançaient. De temps en temps, au moindre bruit, Bill s'arrêtait, écoutait, le cœur oppressé. Mais la chance les favorisait. Les voleurs, emportés par l'ardeur de leur quête, s'étaient dispersés au loin dans la forêt. Aucun d'eux n'était revenu à la caverne. Un quart d'heure d'inquiétude, qui leur parut sans fin et lourd comme du plomb, s'écoula ainsi. À cause de sa compagne, dont les pieds chancelants trébuchaient à chaque pas sur ce chemin de roches glissantes, Bill ne pouvait aller que lentement. Tout à coup, une bouffée d'air frais de l'extérieur leur arriva dans le visage. Ils approchaient de l'extrémité du corridor. Comme ils sortaient, un hennissement de cheval frappa leurs oreilles. Ils pénétrèrent dans le hallier et trouvèrent un bon nombre d'animaux attachés là. On n'apercevait aucun gardien. Bill respira longuement, comme s'il avait un poids de moins sur la poitrine, et dès lors, il eut l'air plus assuré. « Savez-vous monter à cheval ? » murmura-t-il à l'oreille de la jeune fille. Elle fit oui de la tête et dit tout bas « Depuis mon enfance. » À ce moment, elle ne put retenir un petit cri de surprise. Elle venait, dans les premières lueurs grises de l'aube commençant à poindre, de reconnaître son propre cheval qui hennissait joyeusement. « Oh Dieu ! » s'écria-t-elle avec un douloureux sourire. « C'est mon cheval de selle, mon bon Ali. Les misérables l'ont volé, lui aussi. » Dominée par les sentiments que cette vue réveillait en elle, elle pencha sa jolie tête sur le cou de l'animal hennissant et soufflant de plaisir. « C'est Dieu qui a ordonné tout cela, miss, » dit alors Bill, plein de confiance. « Nous allons courir au mieux, vous et moi, et les drôles ne vous rattraperont jamais. » L'infortunée sourit à travers ses larmes. Sans hésitation, elle plaça vivement son pied dans la main ouverte de Bill Cody, et d'un mouvement souple, elle se mit en selle. Puis elle jeta au jeune héros un regard reconnaissant et mouillé de pleurs. « Dieu vous rende, mon ami, ce que vous faites pour moi, » murmura-t-elle. « Ces êtres exécrables ont enlevé tout ce que possédait mon père chéri. Dans une lutte horrible, ils ont étendu mort par douzaines nos fidèles ouvriers, et l'homme que j'aime plus que ma vie, ils l'ont tué. Ou, sort plus épouvantable, ils l'ont. » La voix lui manqua. Un tremblement convulsif courut dans ce frêle corps de vierge. Bill étendit la main vers elle et d'un ton de prière. « Plus tard, vous me raconterez tout. Et avec la volonté de Dieu, je vous aiderai, aussi vrai que je suis un honnête garçon. Mais maintenant, il faut nous éloigner, et vivement !» Ce disant, il sauta sur le dos d'un cheval que son œil de connaisseur infaillible avait choisi. Rapidement, il coupa les longes des autres chevaux et se mit à frapper au milieu d'eux à droite et à gauche. Les bêtes effrayées se cabraient, ruaient, et finalement, avec des hennissements, des ébrouements et des pétarades, elles se dispersèrent de tous côtés dans l'épaisseur de la forêt. « Si maintenant les coquins veulent nous prendre, je calcule qu'il leur faudra quelque temps pour prendre d'abord leurs chevaux, » déclara Bill avec un bon rire confiant. « Mais pour le moment, il y va de tout pour nous, miss, donc en avant !» Et à toute bride, ils commencèrent leur course dans la pâle et grise lumière du matin. Il était grand temps d'ailleurs. Le sauvage tumulte de tous les chevaux de la bande, lâchés et dispersés en pleine fuite, s'entendait au loin. Bill apercevait à une grande distance des formes désordonnées s'agiter dans la forêt. Des éclairs d'armes à feu s'allumaient. Le crépitement sourd des coups de fusil éveillait les échos de la solitude. Mais les balles que leur envoyaient au hasard la rage aveugle de leurs ennemis ne pouvaient leur faire aucun mal. « Sauvé !» s'écria gaiement le jeune homme après une demi-heure de course. En poussant cette exclamation de joie, il secoua les boucles de sa chevelure et regarda sa compagne qui avait vaillamment gardé sa place à côté de lui. « Sauvé !» répéta-t-elle. Mais sa voix était bien faible. Son regard était trouble. Une faiblesse manifeste se lisait dans la contraction de sa bouche. Tout de suite, Bill arrêta son cheval plein d'ardeur et, tendant les deux mains vers la jeune fille, « Oh, miss » demanda-t-il d'un ton suppliant, « ne vous laissez pas encore aller à la faiblesse. Oh non, pas maintenant !» « Nous avons encore à courir pendant plusieurs heures, si nous voulons que ces méchants ne nous atteignent pas. 5 ou 6 heures, peut-être. Et alors, nous serons au fort Leavenworth. Ou bien, faisons mieux. Vous êtes la fille de Mr. Huntington, le riche propriétaire de mine, n'est-ce pas ? Je la suis, répondit la jeune fille d'une voix qui n'était qu'un souffle, pendant qu'un nouveau torrent de larmes coulait irrésistiblement sur ses joues. C'est hier soir que les meurtriers ont assassiné mon bon père. J'étais témoin de leur atroce forfait, sans pouvoir l'empêcher. Et sa voix se brisa dans des sanglots convulsifs. Mais dites, miss, comment tout cela s'est-il passé ? Vous aviez pourtant beaucoup d'ouvriers pour vous protéger. Vous n'avez donc pas pu recevoir de secours du fort Leavenworth ? Vos propriétés n'en sont pas très éloignées, si je ne me trompe. Par conséquent, nous pouvons les traverser sans nous écarter de notre chemin, et peut-être rencontrerons-nous sur la route des gens de chez vous, occupés à votre recherche. » Elle ne répondit rien. Les sanglots qui l'ébranlaient toutes étouffaient encore sa voix. Bill regardait la pauvre fille en pleurs avec un indicible sentiment de tendre sympathie, non moins qu'avec le souci d'un chevalier attentif. Son cœur bon et loyal se serrait douloureusement. Il aurait voulu consoler la désespérée comme l'eût fait un frère, en l'attirant doucement sur son sein. Mais il n'osa pas, et il se contenta gentiment de lui caresser la main. « Il ne faut pas pleurer ainsi, miss. Peut-être tout n'est-il pas aussi vilain que vous le pensez. Allons, poussons plus loin. En chemin, vous essaierez de me raconter tout ce qui s'est passé. Le principal, c'est que le bon Dieu nous ait conduits hors de cette affreuse caverne. Maintenant, le clair soleil luit au-dessus de nous et en même temps revit l'espérance. » Sa parole si simple fit à la pauvre Louisa un bien infini. Elle lui adressa un signe de tête reconnaissant et murmura « Comme vous êtes bon. Ah, puissiez-je vous récompenser de toute votre bonté ?»« Ce n'est rien, cela me fait plaisir, » s'écria-t-il vivement, le visage tout rouge. « Cela me rend heureux de vous être utile, miss. Mais une récompense, je n'en veux pas. Que je puisse vous venir en aide, cela m'est une récompense suffisante. Et s'il vous semble bon, nous pousserons plus loin sans tarder. Autrement, il nous arriverait dessus. Débarrassons-nous une bonne fois de ces gueux. » Louisa hocha la tête. « Vous avez raison, mon ami. Je crois tout le temps qu'ils sont derrière nous, » dit-elle. « Ah, si nous pouvions atteindre le fort Leavenworth. Je ne peux pas dépeindre tout ce qui s'agite dans mon cœur, l'inquiétude anxieuse. Si seulement j'étais délivré de cette terrible incertitude, de ce doute qui me torture sur le sort de mon fiancé. » Ils reprirent leur course. Louisa essaya de parler en chemin, mais elle en fut pour ses essais. La rapidité épuisante de cette allure avec le vent en face l'empêchait presque de respirer. Une irrésistible faiblesse l'envahissait de plus en plus. Et ils allaient toujours en un galop éperdu. Parfois ils filaient le long de la rive du Missouri et un instant après parmi les arbres de la forêt sans chemin. À l'estimation de Bill, encore une bonne heure de course, et le fort Leavenworth surgirait à l'horizon devant eux. Mais soudain, d'un sec mouvement de bride, Louise arrêta son cheval. Sa figure était couleur de cendre. Toute tremblante d'une émotion intime, elle montrait une construction en bois assez étrange d'aspect qui s'élevait sur un côté de la route. À la place du rez-de-chaussée se dressaient 4 troncs d'arbres dépouillés de leur écorce, qui soutenait une sorte de cabine en planches grossièrement équarries. Le sol était extraordinairement piétiné. Le feu semblait avoir été mis à la construction dont les piliers de bois étaient à moitié carbonisés. Mais pas un être humain ne se faisait voir, ni là, ni dans les environs. « Nous sommes sur les domaines de mon père, » murmura la jeune fille, dont la bouche avait repris sa contraction douloureuse. « Ici, c'était l'entrée d'une mine, naguère. Nos fidèles ouvriers ont poursuivi les voleurs jusqu'à cette place. Encore une demi-heure de marche, et nous aurons atteint notre habitation. » Comme elle finissait de dire cela d'une voix à peine distincte, elle chancela subitement sur sa selle, et Bill entendit encore ses paroles comme un souffle. « Oui, mais je ne peux aller plus loin. Quand même, j'en devrais mourir. D'ailleurs, il n'y a plus de danger, et cela fera du bien aux bêtes, de se reposer un tout petit quart d'heure. » Bill était d'un autre avis. Les pieds lui brûlaient, et il aurait voulu arriver au fort le plus vite possible pour pouvoir communiquer au général ses importantes observations. Mais un coup d'œil sur la figure exténuée de sa compagne de route le convainquit qu'elle n'irait pas à une portée de fusil plus loin sans tomber. Il se rendit donc galamment à la nécessité, sauta bas de son cheval et aida la jeune fille à descendre du sien. Doucement, elle laissa glisser dans l'herbe son corps délicat. « Si seulement je pouvais vous procurer un peu d'eau à boire, » dit Bill, cherchant de l'œil autour de lui. Louisa secoua faiblement la tête. « Je n'en ai pas besoin. Il n'y a ni source ni ruisseau ici. Il n'y a que le Missouri qui coule tout près. Mais ne me laissez pas seul, mon ami. Seulement quelques minutes et j'aurai repris des forces. » Bill s'assit dans l'herbe près d'elle. « Ainsi, James et sa bande sont tombés sur vous, » fit-il. « Je suis surpris que le gaillard se soit avancé si loin. D'après mes renseignements, il surveillait depuis plusieurs jours le gué du fleuve, vous savez, près de la caverne où vous avez été prisonnière cette nuit. » « Cela me fait l'effet d'un rêve d'angoisse et d'effroi, » dit la jeune fille. « Si je n'avais pas vécu toute cette épouvante et toute cette douleur, je prendrais cela pour quelque compte à donner le frisson. » Et puis, après avoir lutté courageusement contre le courant des larmes et séché un peu ses grands yeux, elle se mit à retracer à son jeune ami, dont l'attention était extrême, les événements de la journée précédente. « Vous pouvez vous figurer, mon ami, » lui dit-elle entre autres choses, « avec quelle impatience de désir j'attendais le retour de l'homme que j'aimais. Les récits de mon bon père avaient semé dans mon esprit le germe malsain des folles et troublantes terreurs. Mais de même que les nuages de la nuit se dissipent et s'anéantissent au seul aspect du soleil vainqueur, ainsi s'en allèrent toute mon anxiété et toute ma peine lorsque, vers le soir, le bruit du galop d'un cheval m'annonça le retour de mon Charles. Il ne revenait pas seul. Comme il l'avait promis, il amenait le pasteur qui devait bénir notre union. De notre côté, nous n'étions pas restés inactives. Avec l'aide de quelques servantes, je m'étais fait un costume de mariée. Ah, comme j'étais heureuse lorsque je le revêtis et que j'allais, ainsi paré, saluer mon Charles. Oh, miséricorde éternelle, pitié, ayez pitié !» Et une fois de plus, elle éclata en sanglots. « N'est-ce pas épouvantable, rien que d'y penser ? » continua-t-elle, frémissante. « Je vois encore étinceler ses yeux sincères, où se reflétait pour moi un monde d'amour et de félicité. » Je sens encore l'étreinte loyale et forte de sa main, lorsqu'il se mit à mon côté et me conduisit à la chapelle près de la maison où notre mariage devait être célébré, et que mon père avait fait bâtir bien des années auparavant pour que les ouvriers de la mine ne fussent pas privés de services religieux le dimanche. « Et qu'arriva-t-il ensuite ? » demanda Bill Cody, incapable de maîtriser plus longtemps la violence de sa curiosité. « Le sais-je moi-même ? » gémit la jeune fille. Les craintes et les appréhensions s'étaient dissipées chez nous tous, comme des ombres devant la lumière scintillante et solennelle des cierges qui brûlaient dans la chapelle. Et alors ? Et alors ? Répéta Bill, suspendant son haleine. L'infortuné se cacha le visage dans ses deux mains. Nous étions debout devant l'autel, continua-t-elle d'une voix faible, en proie à une émotion qui agitait son jeune sein de mouvements tumultueux. Le prêtre adressait la question décisive et qui lit pour toujours. L'homme à qui mon cœur appartiendra jusqu'à son dernier battement allait répondre « Alors ?»« Eh bien, alors ?» Il me sembla que j'entendais comme un sifflement bas et aigu qui passait tout près de moi, et au même moment, Charles chancela. Il tomba sans un mot sur le sol, resta sans mouvement, et le prêtre, tout ému, interrompant la cérémonie sacrée, se pencha sur lui et me cria qu'il était mort, celui que je chéris en mon âme. Profondément ému, Bill prit la main de la malheureuse enfant qui ne cessait de pleurer. « Dieu nous aide, c'est indiciblement triste, » balbutia-t-il, « c'est à n'y pas croire. Et lui, votre fiancé, est-ce que vraiment il était mort ? Non, mille fois non, il ne peut pas être mort. « Comment serait-ce possible, si bien portant, si frais, la vie dans sa fleur ? Et quoi ? Frappé au plus haut point du bonheur et mort ? Non. Il s'est passé quelque chose d'épouvantable, quelque atroce coup de traîtrise que je ne pouvais pas prévoir et que je ne peux pas comprendre. Mais il n'est pas mort, mon Charles, il ne peut pas être mort. » Mais ne pouviez-vous pas appeler un médecin ? Ah, je comprends, c'est à ce moment que se produisit le reste de la catastrophe. » Louisa fit un signe affirmatif et continua en mots entrecoupés que sa douleur rendait parfois incohérent. « L'ennemi cruel a tout pris d'assaut, tout mis à feu et à sang. Une fusillade partie de tout près, un effroyable cri comme si l'enfer déchaînait tous ses diables ensemble, les fenêtres volant en éclats et par toutes les ouvertures, des hommes hardis et farouches. C'était le terrible Jesse James avec sa bande. Et votre père ? Ah, c'est là l'horrible. Brave comme un lion, il s'était jeté au milieu des bandits. Il tenait le revolver dont il était toujours armé et s'en servait contre ses scélérats. Je me sens saisi par des mains de fer, arraché de l'autel, et au moment où je crie au secours, où j'appelle mon père à mon aide, je vois, oh Dieu ! Fallait-il que j'assistasse impuissant à ce spectacle ? Un vil assassin le frappait de son arme, mon père, mon pauvre cher père. Et lui, chancelé, tombé sur les genoux. J'entends son dernier cri désespéré. Je le vois percé de coups de couteau et baignant dans son sang. Et puis la nuit se fait autour de moi, nuit pleine d'horreur, épaisse et lourde. Et quand je m'éveillais, j'étais depuis longtemps au pouvoir de mon ravisseur et... Elle eut une nouvelle crise de larmes. Se tordant les mains, elle criait les noms des êtres chers, maintenant si loin d'elle. Bill Cody était remué au point qu'il put à peine émettre une sourde exclamation. Mais il s'effraya lorsque tout à coup la pauvre Louisa, posant sa main sur son cœur comme pour l'étreindre, s'affaissa sans connaissance sur le sol. « Miss, qu'avez-vous ? Il ne faut pas vous tourmenter ainsi, » bégaya-t-il, perdant la tête dans son émotion. « Je vous en prie, revenez à vous. » Et de fait, la jeune fille ouvrit les yeux. Elle essayait même de sourire. Bill, penché sur la pauvre enfant, crut voir un ciel empli d'immense bonté. « Je vous en prie, une goutte d'eau, je défaille, rien qu'une goutte, puis je serai forte encore. » « Tout de suite, attendez-moi, quelques minutes de patience, je reviens avec de l'eau. » Dès le commencement de cette courte halte, Bill avait débouclé la ceinture où il avait ses armes. Il la laissa là, sur l'herbe, pour courir plus vite. Aussi rapidement que ses pieds pouvaient le porter, il se hâta vers le Missouri qui coulait tout proche. En moins de 2 minutes, d'une course en ligne directe et que rien n'arrêtait, il avait, à travers des fourrés épineux, atteint la rive escarpée du fleuve. Il la descendit vivement jusqu'au courant où il puisa avec son chapeau. Au moment où, ayant remonté la pente rocheuse et presque à pic, il mit le pied sur le sommet de la berge, il lui sembla soudain que son cœur cessait de battre. Dans la direction du lieu où il savait qu'était la jeune fille, un cri prolongé qu'il connaissait bien, l'effrayant cri de guerre des Sioux venait de retentir. 2, 3 cris de détresse déchirant le suivirent, et brusquement, tout retomba dans un silence de mort. Sur l'instant, Bill resta abasourdi. Sa tête tourbillonnait, incapable d'avoir une idée. Il était bouleversé par le regret et la fureur. Il avait perdu ses armes pour la seconde fois, et cette fois par sa faute, juste quand la vie de cette gracieuse jeune fille était en jeu. Mais il ne fallut qu'une seconde pour reprendre son sang-froid accoutumé. Aussi vite qu'un cerf poursuivi, il courut à la clairière, à la place qu'il venait de quitter. Un silence profond régnait aux alentours. Les chevaux, soigneusement attachés par lui, avaient disparu. Disparu aussi la forme légère de la jeune fille. Mais, à demi caché dans l'herbe et échappé sans doute à la main d'un des Indiens ravisseurs, gisait un tomahawk dont le tranchant brillait. Bill était en proie à une terrible colère. Sachant à peine ce qu'il faisait, il ramassa le tomahawk. Il s'agitait sur place, ivre de rage et du désir de se venger. Une idée, qui lui traversa le cerveau comme un éclair, le frappa d'une vraie douleur physique. C'était parce qu'un sauvage sanguinaire l'avait trouvée trop belle, que l'aimable jeune fille n'avait pas été, selon la coutume indienne, étendue morte dans l'herbe. çà et là, pendaient aux branches des lambeaux de son long voile de mariée. Les traces se dirigeaient vers le fleuve. Évidemment, le ravisseur voulait traverser avec son butin le Missouri, malgré sa largeur à cet endroit. Il devait être tapis aux aguets lorsque Bill et la jeune fille s'étaient arrêtés dans la clairière pour goûter un repos bien funeste. C'était à cause de la jeune fille que le ravisseur et son camarade, un Indien ne va jamais seul, n'avaient pas attaqué Bill, mais avaient attendu qu'il s'éloignât, afin de mieux s'emparer de la dame. Jamais dans toute sa vie, Bill ne méritait mieux que d'être comparé à une flèche qu'à cette heure qu'il courait sur la mousse du bois. Les buissons épineux lui fouettaient le visage et le piquaient au sang, mais il ne s'en apercevait pas. Bientôt le fourré s'éclaircit. Devant lui miroitait la nappe luisante du fleuve, plissée de vagues. Bill aperçut un sioux gigantesque qui dégringolait à toutes jambes le talus de la berge. Le misérable portait sur l'épaule le corps abandonné et comme sans vie de la pauvre fille. Un bâillon lui fermait la bouche. Elle avait les mains liées ensemble derrière le dos. Les chevaux volés étaient là aussi, mais sur l'autre bord, où un parti d'Indiens, en grand costume de guerre, était déjà passé avec eux. Une course qui avait pour enjeu la mort ou la vie commença. Quelque rapide que fût le Peau-Rouge, chaque nouveau bond de Bill diminuait la distance entre eux. Au loin, un cri déchira l'air. Les Indiens de l'autre rive avaient aperçu Bill. Leur hurlement inquiéta le fuyard qui tourna sa tête ornée de plumes et vit son ennemi tout près. Rejeté de son épaule son vivant fardeau et tiré de sa ceinture son couteau à scalper, fut pour le Sioux l'affaire d'un instant. Avec un cri de démon, il se précipita à la rencontre de Bill. Celui-ci lança d'une force terrible le tomahawk qui tournoya en faisant vibrer l'air. Mais en même temps, le couteau du Peau-Rouge fendait aussi l'air en sifflant. Et pendant qu'avec un craquement sourd l'âge s'enfonçait dans le crâne du voleur et l'étendait mort sur le sable, Bill sentait une douleur cuisante au bras gauche. Le couteau du Sioux s'y était planté. Sans s'inquiéter de la douleur, Bill arracha l'arme de la blessure. Puis il courut à la jeune fille. De l'autre bord du Missouri montait une tempête de cris forcenés. Les Indiens avaient vu la chute de leurs camarades. Aussitôt, ils se jetèrent dans le fleuve pour venger sa mort. La jeune fille était déjà sur ses pieds. Lorsque Bill eut enlevé le bâillon de la bouche et délié les mains, un cri étouffé s'échappa de ses lèvres. Cédant à la violence de son émotion, impuissante à se maîtriser, elle se jeta au cou de Bill en l'appelant d'une voix brisée. « Mon ami, mon sauveur !» Jamais encore le jeune Bill Cody n'avait tenu dans ses bras une femme. En un ravissement muet, il laissa un instant se répandre sur lui la pure effusion d'une gratitude sans bornes. « Puissais-je mourir pour vous ? » dit-il enfin, donnant cours à l'impétuosité de ses sentiments. « Ange du ciel, non, ils ne t'auront pas. Ils ont assassiné ton père et ton fiancé bien-aimé, mais moi, je te protégerai. Tant que j'aurai un souffle de vie, non, ils ne te saisiront pas. » Mais aussitôt, il reprit possession de lui-même. Les farouches cris de guerre des Sioux frappaient lugubrement ses oreilles. « Il faut courir, le salut est à ce prix, » murmura Bill. Il voyait les Indiens qui hurlaient dans le lit du fleuve. « Je pense que nous atteindrons encore à temps la cabane de la mine et nous nous retrancherons dans le haut. Êtes-vous assez forte pour courir ? Ou ne vaut-il pas mieux que je vous porte ? Mes bras sont vigoureux. » La jeune fille secoua la tête. « Dieu me donnera de la force, » fit-elle. « En avant !» Elle s'arrêta, prise d'angoisse à la vue du sang qui coulait du bras de son sauveur. Bill avait ramassé le tomahawk. Jusque-là, il n'avait guère ressenti de sa blessure qu'une chaleur au bras gauche. Tout à coup, il fut envahi par la sensation redoutable d'une faiblesse croissante. « Ce n'est rien, une simple écorchure, » disait-il, cherchant à tranquilliser la jeune fille qui se lamentait. Mais il trébucha et tomba à terre. Du fleuve monta un infernal cri de triomphe. En même temps, des flèches vibrèrent au-dessus de la tête des deux malheureux. Vivement, la jeune fille déchira des bandes de ses vêtements et les enroula autour du bras de Bill. À peine le sang fut-il arrêté que notre jeune héros rouvrit les yeux et d'un bond fut sur ses pieds. « Courons, courons seulement !» balbutia-t-il, après avoir jeté un regard rapide sur l'ennemi. Ils se mirent à courir. De nouveau, les flèches meurtrières sifflèrent au-dessus de leur tête. Devant eux, l'horrible hurlement retentissait pareil à celui de chacals affamés. La jeune fille avait saisi la main de Bill. Près de lui, elle multipliait ses pas rapides. Soudain, Bill eut un autre étourdissement. Il tomba sur les genoux. Mais il se releva aussitôt et reprit sa course. Maintenant, il mettait un pied devant l'autre machinalement, dans les rêves de la fièvre, oppressé et haletant. Il voulait. Il ne se permettait pas de succomber à la faiblesse. Il avait la vie devant lui. Et sa mère l'appelait. Et le devoir commandait. Il fallait marcher. Ils étaient dans la forêt. Le soleil se perdait parmi la luxuriance du feuillage. Les ombres du crépuscule s'étendaient de tous côtés. Ils firent une courte halte, appuyés au tronc de grands arbres. Puis presque aussitôt, plus loin, toujours plus loin. Le cœur de Bill Cody battait à briser sa poitrine. Ses poumons haletaient comme des soufflets de forge. Il était comme quelqu'un qu'on étouffe. De l'air, rien que de l'air. Tout lui dansait devant les yeux, tout bruissait et bourdonnait confusément à ses oreilles. Il voyait tournoyer des roues de feu qui éblouissaient ses prunelles fatiguées et allaient se perdre dans un embrasement de soleil rouge. Il marchait, trébuchant d'un arbre à l'autre. Derrière lui, la meute d'ennemis altérée de sang. Près de lui, comme un ange lumineux, la jeune fille sur le point, elle aussi, de défaillir. Rassemblant ses dernières forces, Bill montre du doigt quelque chose devant eux. « C'est la cabane de la mine. Encore un élan, un dernier élan. Et le salut est là, le salut. » Mais la jeune fille ne peut aller plus loin. Comme des ombres, elle voit devant elle les piliers qui supportent la hutte vermoulue. Elle fait appel à tout ce qui lui reste de force. Elle chancelle, mais avance de quelques pas. Elle touche un des piliers qu'elle embrasse comme un soutien. « En haut, au nom du ciel, en haut !» lui dit Bill, qui peut à peine parler. Cependant, les cris démoniaques de ceux qui les poursuivent retentissent à leurs oreilles comme les trompettes du jugement dernier. Ils doivent être sur leurs talons. De tous côtés part le sinistre cri de guerre. Ces sauvages habits de sang se sont divisés afin de mieux cerner les deux fugitifs. Malgré l'appui du poteau, la jeune fille va tomber. Bill ouvre tout grand ses bras et l'y reçoit. Comme le feu de l'enfer, sa blessure le brûle. Il n'est plus que l'ombre de l'être fort qu'il était. C'est un corps que l'âme a quitté. Cependant, dans l'extrémité de son désespoir, il ne s'abandonne pas. Il enfonce ses dents dans ses lèvres et résiste malgré tout. Il a jeté son regard vers le ciel. Il tient toujours embrassé le corps frêle de la jeune fille et le presse contre lui. De son bras saint, en un effort suprême, il se hisse, lui et son gracieux fardeau, jusqu'à la chambre supérieure. Le voilà en haut. Lorsqu'il a délicatement déposé près de lui la jeune fille inanimée, il a un retour de son ancienne et fière énergie. Il ne veut pas faiblir. Il ne faiblira pas. Sombre et résolu, il surveille ses sanguinaires ennemis. Là, entre les arbres, le plus avancé d'entre eux était aux aguets. Il a découvert le jeune homme dans son réduit aérien. Il pousse un cri de joie à la perspective du meurtre. La forêt était devenue vivante. Elle résonnait du bruit farouche de ses bouches hurlant à la mort. Ça et là, entre les troncs d'arbres, épiaient les diables rouges, les Indiens, qui n'ont jamais connu la pitié. 5, 6, davantage sans doute contre un seul. Et encore, ce jeune homme au cœur de lion est blessé. Tout près de Bill, voilà qu'une figure grimaçante, couverte de peintures hideuses, s'est hissée à son niveau et le regarde. À la façon des serpents, ses regards aigus examinent le guerrier blanc et lui annoncent un horrible destin. Bill brandit son tomahawk. En un coup terriblement asséné, l'arme bien affilée fend l'air. Le grand corps du Peau-Rouge se tord en une convulsion. Ses bras battent l'air comme des rames battant l'eau. L'ennemi a disparu et en bas on entend le fracas d'une lourde masse qui tombe et rebondit. Mais un second, Puis un troisième diable rouge grimpe jusqu'à la plateforme de la cabane. Et à chaque fois, Bill frappe. Il frappe et frappe, ne manquant jamais son coup. Avec cette hache tranchante qui crie sans fin dans les crânes dont les os craquent, il frappe et frappe jusqu'à ce qu'il tombe évanoui. Comme mort, le jeune héros gît auprès du corps inanimé de l'infortunée Louisa. Et dans l'étroite retraite, les Indiens pénètrent, pleins d'un enivrement farouche, en poussant le hurlement de la victoire.